Chapitre 3. La sépulture de Wanab. Dans le crépuscule du soir, l'astre transformé en brasier circulaire, les vieillards surgirent de la caverne, suivis de la horde mélancolique. Deux guerriers, jeunes, portaient le squelette de Wanab, et la lueur rouge sur le crâne pâle, à travers la cage thoracique, tombait comme un symbole de haute angoisse, désuétude du jour vernal sur les ruines d'un être jeune disparu à jamais dans l'abîme des métamorphoses. Tardive s'écoula la horde à travers la savane, et les sanglots sourds de l'épouse et de la mère coupaient la taciturnité de la scène. Quand on atteignit l'arbre sépulcre, quand les porteurs eurent escaladé la colline, on vit un vieillard se mettre auprès de Wanab, et tous attendirent sa parole, car il était renommé pour parler aux autres hommes. Et le vieillard se tint immobile quelque temps, laissant remonter des choses anciennes dans sa mémoire, les confuses synthèses acquises par sa race, encore toute à la nature, et n'ayant conçu aucun mystère au-delà des formes matérielles. Homme, Wanab, fils de Djeb, né parmi nous, était un chasseur intrépide et un travailleur habile. L'urus, le léopard et l'hyène ont connu sa force. Il a taillé les dépouilles de la bête et s'en est fait des vêtements et des armes. Il a tiré des outils de la pierre bienfaisante. Homme, Wanab, fils de Djeb, est sorti de la vie. Il ne chassera plus, il ne dépouillera plus la bête et ne tirera plus d'outils de la pierre bienfaisante. Et parce que c'était un compagnon fidèle et sage, nous regrettons Wanab, fils de Djeb. Nous regrettons Wanab, fils de Djeb, répétèrent les voix de la horde. Puis il descendit un silence plus pesant, et les têtes des troglodytes s'élevèrent pour voir gravir l'arbre sépulcre par un chasseur agile. Il glissa de branche en branche à travers les squelettes des ancêtres. Lorsqu'il parvint à une branche libre, on suspendit Wanab, fils de Djeb, à la lanière tressée dont le grimpeur tenait un bout, et la dépouille à claire-voie du trépassé monta lentement parmi les feuillages. De l'horizon tiède et du grand zénith, il émanait des langueurs si douces, un si charmant souffle de vie et une majesté si pacifique, que les compagnons de Wanab, sa mère et sa veuve, oubliaient la douleur et l'effroi de la mort. Enfin, le squelette, fixé, vacilla faiblement parmi les autres squelettes, et la horde se dispersa dans le crépuscule. Au cap du fleuve, sur la pointe des collines légères, les natures contemplatives virent se diviser la lumière en mille figurations éphémères. Bientôt ne resta plus sous l'arbre que le noyau des compagnons intimes et des parents, et la cendre vint sur les gloires célestes. Un jour de plus disparut à la profondeur du passé. Une nuit de plus découvrit un pan de l'infini. Frissonnant, alors, avec des imaginations embryonnaires, avec la pensée du trépas et de la nuit emmêlée, les humbles préhistoriques, fidèles à Wanab, ajoutèrent un rêve aux millions de rêves dont naquirent les cultes, dont naquirent les mariages de la peur, du surnaturel et de l'immortalité. Cependant, la jeune épouse restait prostrée sur l'herbe, ses cheveux coulant parmi les gramènes, comme les fleurs du saule pleureur sur les nénuphars des étangs. Et Terran, le vainqueur, ami de Wanab, eut pitié d'elle, et sentit trembler son cœur parce que la chevelure de la femme était belle et son cou rond et blanc dans les clartés finales du jour. Il dit alors des paroles douces, et elle leva ses prunelles sur lui. Et le vœu de la large nature que tout recommence et que la blessure de l'âme se ferme dans les êtres jeunes encore commença de s'accomplir pour elle. Elle songea que Terran était fort parmi les forts et sans férocité pour les femmes et les enfants. Et quand les ténèbres furent victorieuses, ils restèrent l'un à côté de l'autre, sans mouvement et sans parole, mais sentant s'élever des lendemains en eux, tandis que les loups rôdaient sur la savane, que l'hyène ricanait au bord du fleuve, et que les grands carnivores se levaient dans leur force.